Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Hola, bon dia à la planète, la famille, j'espère que vous allez bien. Ah, tout le monde touche à tout à la radio, hein. Le son était à fond, là, là, là, là, là, là, là, là. Ça touche, ça ne remet pas en place. Heureux d'être avec vous, on est le 12 mai aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Côté ciel, ça va être assez nuageux aujourd'hui avec quelques rayons de soleil, mais côté température, on est plutôt pas mal, jusqu'à 22, 23 degrés, ça va, ça se maintient. Des orages sont prévus dimanche normalement. Voilà la bonne nouvelle pour vous et puis du son qui arrive. Florent Pagny, comme vous le voyez sur les vidéos qu'il a posté récemment, qui a un cancer, hein, qui essaye de lutter, de guérir. En tout cas, on est tout cœur avec lui. Florent Pagny, que j'avais interviewé plusieurs fois à la radio. Voilà un petit clin d'œil ce matin, mon Florent. Enfin, c'est n'importe quoi sur la conscience. Salut Florent. Mon ami Florent Pagny, qu'on adore à la radio, l'extrait de l'album Bienvenue chez moi, n'importe quoi, un titre des années fin 90. Heureux d'être avec vous, c'est Francky, jusqu'à 9h. Salut José qui est là connecté dans le camion déjà, bah ouais, au taf, hein. Justement, en parlant de camion, on va en parler tout à l'heure. Ça se passe à Main-sur-Loire, les camions qui sont passés toute la nuit, on n'a pas dormi, hein. Bah ouais, c'est comme ça. On en parle tout à l'heure, on essaiera d'appeler la mairie avant 9h, tiens, pourquoi pas. Hein. Voici les Chico and the Gypsy et Amor de mis amores. Te adoraba eternamente. poderme contemplar. Y el que pagaste mal a mi cariño tan sincero, solo conseguirás que no te nombre nunca más. Amo de mis amores sin dejarme de quererme, no he cuidado que la gente de eso se enterará. Que ya no puedo decir que una mujer cambió mi suerte, se burlará de mí, que nadie sepa mi sufrir. Si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba eternamente se ha tomado como nunca me sentí, y por el recorrer de la vida, si un beso de tu boca yo amor de mis amores, reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderme contemplar. Y el que pagaste mal a mi cariño tan sincero, solo conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, sin dejarme de quererme, no he cuidado que la gente de eso se enterará. Que ya no puedo decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Là, je prends la guitare le matin pour vous réveiller avec les Chico and the Gypsy King. Amour de mes amours, une reprise de Paco dans les années fin 80. Heureux d'être là, c'est Francky dans la radio. La comédie musicale qui cartonne en France. Voici Sardou, le meilleur. De l'autorité du charme, femme des années 80, moins colombine qu'arlequin, sachant bien noter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes. La cinquième et Central Park, le ciel crachait des bouffées de Havane. Petit garçon, je repassais mes leçons. Quand j'entends, et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires. Quand j'entends, c'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps. Quand en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. La vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. C'est un cri, c'est un chant, c'est aussi la douleur et le sang. Toutes les fureurs qu'elle porte en elle, la peur des hommes, la peur du ciel, et toutes les forêts du vent. Faire tourner le mouvement des larmes de guerre, où tout est là, c'est pour les vivants, un peu d'enfer. Ce soir, je vais. 7h, 9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Every other word is a flaw, you're okay. Could it be that you are at the crib with another lady? Say my name, no one is around you. Say baby, I love you if you ain't running gay. Say my name, you acting kinda shady. Ain't calling me baby, why the sudden change? C'est Menem, c'est pas les vôtres. Dimitris, avec Like Mike, Say My Name. 7h14, belle journée, bon réveil. Ils seront aux Élites d'Orléans, c'est jeudi 19 mai, la section d'assaut, pour quelques heures sur scène. Voici Gims avec toute la famille. J'ai demandé pardon sans qu'on puisse me l'accorder. J'ai demandé ma route sans qu'on puisse me l'indiquer. J'ai troqué mes études contre un disque de platine, tout en sachant tout tard pour public et de piétine. J'ai vu les choses en grand, j'ai du cran, j'ai du talent. Je reste sur mes gardes, je ne suis qu'un homme. Ça casse sur mon image dans des sets et canons. Tout ça peut faire pour moi ce qui doute et la parole. J'ai pété les plombs, j'ai pété les plombs. J'ai quitté l'école, j'ai quitté l'école. Si seulement tu savais. Tout le mal que je garde, tout le mal que je garde. C'est ma direction, sonnerie. Les bruits de chaises, moi cherche et d'autres styles de richesse. Du journal d'Anne Frank à celui de Bridget. J'ai jamais kiffé lire depuis que j'ai 12 piges. Malgré les ratures, je gratte le papier. C'est ma direction, je me suis pas éparpillé, plaqué. Plus d'une fois, dos au remue. Trop fier pour demander de l'aide au RMI. Les straves en guise de mythe, les straves en guise de but. Freiné par les fils de tu. Je me souviens qu'à la base, on voulait même pas toucher de blé. Ça rappelle ça quand on s'entassait de chier blanc. Tu connais pas t'hypocrite, c'est le gros. J'écrivais dans le chrome avant d'aller me casser le dos. Aujourd'hui tout ça n'aurait pas de sens. Sans tous ces sacrifices, sans cette passion. J'ai fêté les plans sans abandonner ni baiser les pas. Plus de nouvelles, pas très faible, malédiction. Dorénavant, je fais de l'avance, c'est ma direction. Ma direction. Mort les clashs, les concours de rap d'Arès. Dans la rue ça rappe en masse, ça s'appelle d'aller Nahès. Pour un 16 méga t'agresse, le kickage nous apaise. Nos voix, nos mains s'élèvent quand les fixes ça nous rabaisse. Le rêve est à nos pieds, donc on dort tête pêche. On baigne dans les richesses, mais nos lèvres restent sèches. Je vis de ma passion car tous mes tarpes déplaisent. On cherchait que la reconnaissance, on voulait pas parler d'espèces. Maintenant on vous dort la reste, même si nos passés les pêches. Ça veut acheter des caisses, attaquer le marché des steaks. Si on a autant ramé, c'est pour être stock à l'arrivée. Pour bien stiquer l'instrument qui voulait nous faire chavirer. Mais ça tape, j'ai quitté pour mieux déplacer des montagnes. Résultat, ma foi baisse. Les autres sont indénombrables. Cherche pas trop la lumière, le soleil brûle ta peau. Oui, le succès te fume, m'appelle-tu le crapaud. C'est ma direction. J'ai fêté les plans sans abandonner ni baiser les pas. Plus nouvelle, pas très faible, malédiction. Dorénavant, je fais de l'avance. C'est ma direction. Ma direction. Alors, porte le tape. Un bac pro ça paye pas, avec les schraps pour le rap, ben on veille tard. Malgré les découvertes, les sales patrons, j'ai tout plaqué à la conquête des sales partons. Un projet suicidaire, ça passe ou on se casse. Et vu le suicidème, déterminé, on part au fond sans armure. Et les plus terre à terre disent qu'on fonce dans un mur. Les darons savent pas ce que je fais, ils disent que je dors. Ils pensent que leur fils on ne vit que toi. Sans savoir que ce petit qu'on prépare des disques d'or. Et que tous ceux qui négligent, ben en plus que tort. J'ai où je vais sans savoir si je serai le bienvenu. Je suis pas invité, je suis accompagné d'ovnis. Je me dirige vers la gloire et les blêmes. Bro, la musique est une femme à problème, mais c'est ma direction. J'ai fêté les plans sans abandonner ni baiser les pas. Plus nouvelle, pas très faible, malédiction. Dorénavant, je fais de l'avance, c'est ma direction. La section d'assaut qui seront au Zénith d'Orléans pour une soirée spéciale, une reformation pour quelques heures. C'est jeudi prochain, ça va faire du bien de les revoir sur scène. Gims avec toute la famille, bah oui. Heureux d'être là, Francky dans la radio, que vous soyez sur la tangentielle, que vous soyez au boulot. Salut Lolo, salut Stéphane, on est en live, voici Danny Ocean. Ta canción es para ti. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl. Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer. Sé que en el amor cuando es real, se vuelve, vuelve. Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte, mujer. Por favor, entiéndelo. Solo dame tu mano y confía en mí. Si te pierdes, solo sigue mi voz. Y dale tiempo. Oh, baby, no.

contactez le 02 38 43 48 00. Rejoindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, I love what you're doing to me, but keep it suavemente. Bésame, bésame, besame otra vez, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Besa, besa, besame un poquito. Besa, besa, besa, besa, besame otro ratito. Siento en el aire, por eso cuando te veo comienzo a besarte. Y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, I love what you do to me, but keep it suavemente. Bésame, bésame, bésame otra vez, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Besa, besa, bésame un poquito. Besa, besa, besa, besa, bésame otro ratito. Kiss me softly, older than me, now I want you to come home with me. Baby, when I look into your sexy eyes, makes me wanna kiss you till the sunrise. Kiss me one time, kiss me two times, kiss me again, it's going down, don't change. Don't hurry now, let me feel your soul. Kiss me a little bit, suavemente, so I need it. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, what you doing to me, but keep it suavemente. Besame otra vez, suave. Quiero sentir tus labios besando otra vez. Besa, besa, besame un poquito. Besa, besa, besa, besa, besame otro ratito. I will make you hump and scream. I will kiss you soft and sweet. La vraie version là, c'est pas Soul King, hein. Ah ouais, il y a déjà 20 ans déjà pour Elvis Crespo avec Suavemente. 7h29 minutes et puis ça y est, à partir de lundi, hein, les masques ne seront plus obligatoires dans les transports en commun, dans les trams ou dans les métros pour Paris par exemple. 7h29, on est bien sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel. Et le nouveau King V qui arrive, où t'étais, bah j'étais là, voilà, tous les jours. Voici King V. D'avoir de tes nouvelles, j'en avais plus depuis longtemps. Tu fais en sorte que je me rappelle de ce que t'appelles le bon vieux temps. C'est loin que je m'en souvienne, telle une girouette, tu suis le vent. Quand tu reviens, ce n'est pas la peine, je sais qui t'es maintenant. C'est quel genre de toupé, t'as eu ta chance, t'as loupé, c'est quel genre de toupé, t'as cru que j'étais ta poupée, dis-moi où t'étais, quand pour moi tout était. Dis-moi où t'étais, redis-moi, redis-moi. comme si de rien n'était, comme si t'étais jamais parti. T'es la moustique en été, tu crois venir gâcher ma vie. J'apprends que tu es endetté, malgré tout je n'en suis pas ravi. Mais si t'es venu pour gratter, écoute bien ce qui suit. C'est quel genre de toupé, eh, eh. T'as eu ta chance, t'as loupé, eh, eh. C'est quel genre de toupé, eh, eh. T'as cru que j'étais ta poupée, eh, eh. Redis-moi où t'étais, quand pour moi tout était difficile. Redis-moi où t'étais, bah ouais. Eh, eh, redis-moi où t'étais, quand pour moi tout était difficile. Redis-moi où t'étais, bah ouais. Redis-moi, redis-moi, eh. Redis-moi, redis-moi où t'étais. Redis-moi, redis-moi, eh. Redis-moi, redis-moi où t'étais. Redis-moi, redis-moi, eh. Redis-moi, redis-moi où t'étais. C'est vraiment les belles choses de la vie, ça. Bah ouais, souvent, on se demande où t'étais. Bah t'étais là, aujourd'hui. Nicky Jam, sur la console, belle journée, du côté d'Orléans, Saint-Privé, Olivet, Farocco qui arrive tout à l'heure aussi. Fayologe aussi. Je dis la météo, aujourd'hui, le ciel est assez nuageux, quelques rayons dans le sol, mais les températures sont plutôt pas mal. Jusqu'à 22 degrés. Elle est mante. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted, tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce. Todo es por usted, mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes mía y la novia siento tuyo, que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no que te trata mal y eso lo tienes que acabar. Dime qué tú vas a hacer, a mí tengo una inquietud. Si quieres sufrir con él, eso lo decides tú. Que seas feliz con él, yo no te contestaré. Sé que me vas a llamar cuando me extrañe tu piel. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que no te Cuando la escuche quiero estar ahí para ver, cuando se entere. Caliente, Bandy à la planète, 7h35 minutes, vous êtes en voiture, direction le boulot ce matin, ouais pas facile, la météo est plutôt pas mal, ça va, on est bien sur la tange, les cerises qui sont déjà là, je vois à la radio, des belles cerises, hein, on va se régaler tout à l'heure, je peux vous le dire, et Chantal Goya, la chanteuse pour les enfants des années 80, est de retour avec Goya sur la route enchantée sur toute la France entière, donc cette chanteuse qui a marqué votre jeunesse peut-être. Et vous allez peut-être la revoir sur scène avec vos enfants. Ah ouais, la fille de Chantal. Voici Farruko. A penas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento. Caramba al viento. Lento y contento. Caramba al viento. Y aprovecha que el sol está caliente. Vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas qué rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de bombal y unos tragos de sangría. Pa' que te suelte poco a poquito. Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, da un shot de de soleil ce matin pour enjoyer votre soirée tout à l'heure peut-être hein, au bord de la piscine. Ah ouais, ce jeudi soir. Pourquoi pas avec un cocktail sans alcool. Bandy à la planète et la famille, hein. Vous êtes en direct, il est 7h39. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Franck. Bah oui, on est là pour vous réveiller tous les matins, 7h, 9h, et puis les législatives, c'est parti, ça y est, hein. Donc la semaine prochaine, on va commencer à recevoir nos invités, il y aura Xavier, il y aura Alexandre, si vous voulez participer à l'émission, vous voulez communiquer sur les législatives 2022, eh bien n'hésitez pas, vous m'appelez à la radio, 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard, et puis lundi, on va recevoir la FFMC, la Fédération des Motards en Colère, Francky sera dans nos studios pour nous parler justement de cette belle fédération qui a été créée il y a quelques années déjà, et on en saura plus. Ça sera lundi à partir de 8h, 8h30. Mon poteau Saint-Ange qui arrive, il a écrit ce titre en 2008. Elle aime les DJ. Voici mon pote Saint-Ange avec Party Crew. Belle journée, bon réveil sur Radio Arc-en-Ciel, la famille de Bordeaux. Saint-Ange, mon poteau de toujours que j'adore et je pense très fort à lui. Bisous, mon Saint-Ange.

Ça me donne envie de danser. Maintenant, peut-être sur le bureau. Peut-être. C'est ce que va faire peut-être Dimitri en arrivant au magasin à Fleury, là. Salut Dimitri qui nous écoute sur le 96.2 FM dans la bagnole, là, direction le Jiffy. Ah ouais, la fête est folle là-haut, hein. Heureux d'être là, c'est Francky. On est en direct ce matin. Coucou à Doudou qui est connecté. Salut mon Doudou du côté de Fayologe. On les écoute aussi à Gien sur le 96.2 FM. Salut la famille. Belle journée. Un petit peu de vacances, ça ferait du bien. Ouais, ça vous ferait du bien. Vous êtes fatigué en ce moment. Allez, mettez-vous en vacances. N'allez pas bosser aujourd'hui, je vous fais un mot d'excuse, promis. Justement, en parlant de vacances, le meilleur de la musique est là. Dans les années 80, elle avait à danser derrière Patrick Hernandez. Voici la Madone. De vacances, la Madone, vous êtes peut-être en vacances, je sais pas, il est avec nous, c'est Stéphane au téléphone. Salut Stéphane. Salut tout le monde. Comment elle va bien ce matin? Bah il va tranquille, hein, il est au boulot déjà, ça y est. Bah ouais, comme beaucoup de Français justement aujourd'hui. Eh ouais, ouais, bah heureusement. Il faut y aller, hein, il faut y aller au taf. Bon, il n'y aura pas beaucoup de soleil aujourd'hui, il y a pas mal de nuages malheureusement, mais bon, il va faire 22 degrés. Pour nous, parce que nous, il fait plus de 50 degrés sous les tôles, donc. Ah ouais, ouais, c'est pas facile de travailler dans les hangars avec des tôles comme ça, là, ça fait chaud. Hein. Vous avez pas la clim, là? C'est clair. Ah ouais, pas de clim chez vous, non? Pas de climatiseur? Bah, c'est un peu tendu pour climatiser un entrepôt. Ouais, ouais, bah, il faut ouvrir les fenêtres, les portes et tout. Hein. Bah, on ouvre les portes, mais il n'y a pas de courant d'air, donc. Ah ouais, c'est pas facile. Bon, en tout cas. Il y a des mecs des bureaux qui sont climatisés. Ah ouais, bah oui, c'est tous les planqués, quoi. C'est ça. Exactement. Bon, bah, bonne journée à toi, mon ami. Ouais, bah, toi aussi, mon Francky, bon courage. Hein. Merci. Salut. Salut. 02 38 43 48 00. Si vous voulez m'appeler, bah, n'hésitez pas. 02 38 43 48 00. 7h53, le meilleur de la musique tous les matins. 8h, c'est l'horoscope qui est arrivé. Jojo, bah ouais, le meilleur des souvenirs. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme. Je te promets la vie de mes rires à mes larmes. Je te promets le feu à la place des armes. Plus jamais des adieux, rien que des au revoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme

se voit sur une plage à Puerto Rico avec le cocktail comme ça, sans alcool le matin. Mais pour l'instant, non. Direction le boulot, bah ouais. Comme ça, bon dia à la planète. Salut. Courage à vous si vous allez au taf ce matin. On est en direct jusqu'à 9h. L'horoscope qui arrive dans moins de 5 minutes. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Cocorico, avec le coq, je vous réveille tous les matins. Et ce soir, Tiad, l'Orléanais. Tout le monde le connaît, Tiad. Bah oui, c'est ça, parler à mon père, vous connaissez ce titre. Eh bien, il est là, ce soir, en concert Orléans. Si vous voulez savoir où, eh bien, appelez-moi. Je voudrais. 02 38 43 48 00. 02 38 43 48 00. Et Tiad, c'est peut-être pour vous ce matin. Voici parler à mon père, la reprise de Céline Dion. Tiad. Retrouver mes traces. Où est ma vie, où est ma place? Et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol d'un goéland, penser à tout ce que j'ai vu ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Choisir un bateau, pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais freiner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire des voix de ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve interdit. Je voudrais trouver les couleurs des tableaux que j'ai dans le cœur, de ce décor aux lignes pures où je vous vois et me rassure. Parler à mon père, parler à mon père. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la pause et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé au chaud dans mon. Je voudrais partir avec toi, je voudrais rêver avec toi, toujours chercher l'inaccessible, toujours espérer l'impossible. Je voudrais décrocher la lune, et pourquoi pas sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père, belle reprise de Céline Dion. Il est ce soir en concert du côté d'Orléans. Appelez-moi, je vous file l'endroit. 02 38 43 48 00. L'horoscope, mon titi Yad, 8h01 en direct. L'horoscope, c'est maintenant. Et oui, l'horoscope, et on démarre ce matin avec les béliers. Les astres vous inclineront à la douce folie amoureuse et à la rêverie ce matin. Les taureaux, plaisir et bien-être seront au rendez-vous aujourd'hui. Les gémeaux, une conversation pourrait remettre les choses à leur place dans votre vie de couple. Les cancers, votre humeur est beaucoup trop changeante en ce moment, mais vous gardez la patate et le sourire, et ça, c'est super important. Les lions, en famille, de grandes décisions sont à prévoir avant que vous puissiez prendre une vraie décision. Les vierges, vous serez attentionnés et chaleureux ce matin. Les balances, vous prendrez une décision judicieuse à propos d'un important problème familial. Les scorpions, vous risquez d'être déçus par une personne à laquelle vous aviez confiance. Les sagittaires, ne vous laissez pas au pessimisme. Le climat astral pourra vous apporter le plus heureux des changements aujourd'hui. Les Capricorne, au lieu de vous contenter du train-train habituel, eh bien, bougez-vous. Les Verseaux, vous aimez plaire, séduire, et vous saurez mettre votre charme en avant aujourd'hui. Et enfin, les poissons, les célibataires, avec vos efforts pour prendre soin de vous, vous avez atteint votre objectif ce matin. Nicky Yam qui arrive, et Claudio Capeo qu'on adore à la radio. Une belle reprise de Renaud qui a fêté ses 70 ans. Bravo Renaud. On pense très fort à lui, mon petit Roro, mon petit Nono. Eh ouais, Claude de Capéo, la reprise de Renault. C'est Morgane de Tours. Belle journée et bon réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Mmh.

gamme de toi, Renaud, qui a fêté ses 70 ans hier. Happy birthday to you. Une belle reprise de Claudio Capeo. Vous êtes peut-être au boulot ce matin. Salut à mon ami Nono, qui est là. Bandit à la planète. 8h09 minutes avec celui qu'on adore sur Radio Arc-en-Ciel. Le king du son latina. Voici Nicky Jam and Mikama. On a les Daft Punk qui arrivent. Get Lucky. Et on a Umberto Tozzi et Serena avec tout. Belle journée sous les nuages, mais le soleil de Radio Arc-en-Ciel est là en direct. Potion magique à lui, parce que chaque fois qu'il écrit un titre, c'est un tube, hein. Nicky Jam, qu'on a découvert il y a bientôt 10 ans sur Radio Arc-en-Ciel avec Anmi Kama. Et là, je suis un peu triste et même déçu parce que le célèbre cabaret parisien devrait fermer ses portes. Le Lido à Paris, bah oui, bientôt. Alors, ils sont en train de licencier quasiment tout le personnel parce que ça devient quasiment plus rentable. Il y a beaucoup de monde. Ils réduisent tout le monde et ça va être transformé en salle de spectacle un peu plus petite. Voilà, dommage. Ce célèbre cabaret où j'ai passé des belles soirées avec des fournisseurs à l'époque qui nous invitaient. Le Lido. Alors, on est un peu triste quand même aujourd'hui. Voici les Daft Punk. Get Lucky. We are. get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Ils ont séparé les deux casquets là, les Daft Punk avec Get Lucky dans les années 2000. Heureux d'être avec vous dans la radio. La petite Clara qui nous écoute ce matin, toute mignonne, que j'ai reçu une petite photo. Eh bien, on va lui faire un petit clin d'œil ce matin avec l'hymne du Portugal. Eh ouais, vous le connaissez forcément. Irene Costa. Oh, bicho. Bon dia la planète et bonsoir et bonjour à tous nos amis qui nous écoutent au Portugal où il fait plutôt chaud là-haut. Seu cabelo espalha sua magia pelo ar. Ele vai te encontrar esperando que o destino revele enfim os segredos que tem pra te contar. Há tanto tempo que eu te quero do meu lado, nossos caminhos não há. Forte na emoção de ter você pra mim. Aquele grito que era preso na garganta se transformou e a nossa vibração é tanta. Cante comigo pra dizer a todo mundo que esse nosso amor de Portugal. Quel souvenir en discothèque, par exemple, dans les années 2000, où on dansait là-dessus avec Ren Costa en biche, en biche. Belle journée. Courage à vous si vous allez au taf ce matin. C'est Francky dans la radio. On est en direct. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Arc-en-Ciel. 7h, 9h, il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Bah moi je vous accompagne à la porte du bureau, vous êtes encore dans la voiture, la direction, le taf, le bureau, peut-être le chantier, ou alors simplement un rendez-vous peut-être avec les enfants, eh oui, dans la voiture, vous nous écoutez sur le 96.2 FM, on vous souhaite une belle journée, le soleil qui commence à faire son apparition ce matin, avec des températures plutôt pas mal encore, un peu moins chaud qu'hier, 22 degrés, voici à la Lila, le son de l'île de la Réunion, c'est la famille Willy William. Toi dans la gaieté, c'est gars peine d'or qui fait t'implorer. Quand elle y fait oublier tout ta grain, allô bouge les reins, c'est gars là pour faire ta part de la fin. Mette la joie dans ton légué, vini danser, pas bien topé. Ici c'est grâce à nous dansons en frais, de Paris à l'île aux c'est pour nous amuser. C'est ça. Mets la foi dans tous les quais. Vini danser, pas besoin de topé. Ici c'est grâce à nous dansons frais. De Paris à l'île aux Cés. Oh, no. 7h-9h, l'île de la Réunion, programme ce matin plutôt pas mal avec Alalila, il y a tout le monde là, Willy William, Denis Azor, DJ Assad, mon poteau, et puis un petit tour du côté de la route ce matin sur la tangentielle où ça bouge un petit peu, mais on est là pour vous donner le rayon sur le sol, voici De Palmas sur la route. Feuillologes, on nous écoute à Feuillologes, ça me fait plaisir. Bah ouais, salut toute la ville de Feuillologes, quelle belle ville. Sous le soleil qui commence à rêver tout doucement. Et puis la reprise de Amir, la version Zouk Love qu'on adore. Voici longtemps, bon réveil. Sous-titrage Société Radio-Canada. J'aimerais que ça dure longtemps, j'aimerais que ça dure 100 ans. Merci à vous d'être aussi fidèles. 6 ans que vous m'écoutez déjà le matin à la radio. 34 ans de Radio Arc-en-Ciel, dis donc. 34 ans, imaginez-vous. Hein, eh ouais, 34 ans qu'on est à Orléans. Ça me fait plaisir de vous retrouver tous les matins, vraiment. 8h30 minutes, 02 38 43 48 00. C'est le numéro du standard. Si vous voulez réagir, vous pouvez m'appeler, faire une dédicace, pourquoi pas. Vous êtes au bureau. Vous nous écoutez sur le site de Radio Arc-en-Ciel, le nouveau site de la radio qui est magnifique d'ailleurs. Clic, clic, pan, pan, ça arrive. Et c'est tout de suite, vas-y, Yanns. Tu reconnais pas, c'est le remix. Yanns, clic clic, pompon, poupou, bah ouais, il y a tout le monde. Et puis je voulais faire un petit clin d'œil à mon ami Giorgio Michael, qui nous a quitté un 25 décembre. Quel triste cadeau de Noël. C'est Kalash Whispers. Je crois que c'est le plus beau slow de la planète, j'en suis sûr même. Giorgio. sûr, c'est le plus beau show de la planète, Kalash Whispers, George Michael, 8h37, c'est Frankie dans la radio, le meilleur du son des clubs tous les week-ends, si vous allez en club danser, bien forcément le Kungs, le DJ français toulonnais, et on est fiers de le retrouver, Clap Your Hands, c'est sur Radio Arc-en-Ciel, c'est le meilleur de la musique. Ça, bah ouais, vous allez faire la fête ce week-end dans les clubs. Et big up à tous les patrons de clubs en France qui nous écoutent. Et puis lundi, ça y est, le masque c'est fini dans les transports en commun. Vous qui allez vous balader peut-être sur Paris, bah ça y est, dans le métro, tout ça, ce sera fini. Hein. Bah ouais, plus de masque. C'est Véran qui l'a dit. Il a dit, ça ne sert plus à rien pour l'instant. Bah ouais. Et c'est vrai que le Covid en France est en grande, grande baisse. Et ça fait plaisir de retrouver à peu près une vie normale. Frankie dans la radio, on est là jusqu'à. Bah, je sais pas, jusqu'à 9h, tiens. Et puis du son qui arrive. Le meilleur des souvenirs avec Aretha Franklin. Elle est Blues Brothers et Respect. Hey, what you want, huh? Envie de danser ça. Ça me donne envie de danser. Aretha Franklin avec les Blues Brothers, le Factor Band. Respect. 8h42 minutes. Il sera mon invité. C'est lundi. La Fédération Française des Moteurs en Colère. Francky dans les studios de la radio arc-en-ciel. Et puis aussi après les législatives, on aura beaucoup d'invités. Alex qui sera là. Il y aura aussi Xavier. Enfin voilà, on va passer une belle semaine la semaine prochaine avec les législatives aussi. Bah ouais, il faut parler un peu de politique. Hein. Soleil qui arrive avec Kassav, le meilleur de la musique. Un petit clin d'œil à Jacob Desvarieux qui nous a quittés il y a 2 ans. Bientôt, bah oui, ça passe. Hein. Mon Jacob, un petit clin d'œil à l'île de la Martinique. Eh ouais mon frère, du l'homme ce matin. Allez, dansez, zouké. Voici Kassav et on adore. Ça sent le rhum. Je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Hein. Ouais, dès le matin, pas de rhum. Hein. Non. Tranquille. Par contre, le cocktail sans alcool, ça fait du bien. La Martinique, je voulais faire un petit clin d'œil à Jacob Desvarieux, le chanteur de Kassav qui est parti malheureusement il y a 2 ans déjà. Eh ouais, mon vieux Jacob, le créateur du Zouk en France. Et puis, je vous rappelle, vous pouvez devenir adhérent de la radio arc-en-ciel. Ben, vous m'appelez. Écoutez. Devenez adhérent de la radio arc-en-ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Bah voilà, c'est pas compliqué. Hey, vous m'appelez 02 38 43 48 00. Vous devenez adhérent de la radio arc-en-ciel. Bah, venez faire un petit coup de main en radio. Bah ouais, on est là depuis 34 ans. Et c'est un peu grâce à vous quand même. Wes Alan, c'était l'hymne de TF1 à l'époque. Voici le petit remix 2021. ça bouge le matin, c'est Francky dans la radio, on est de retour. Rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Rayon de sol, c'est pas Francky, c'est Algemiro. Bonjour Algemiro. Bonjour Francky, comment tu vas? Bah ça va et toi en pleine forme? Ça va. Avec le temps. T'as vu, il y a des cerises. Ouais, dans les, derrière la radio. Derrière la radio, il y a cerisier tous les ans, il y a un petit. Ouais, tous les ans, je vais aller en piquer quelques-unes tout à l'heure. C'est chez le voisin ça, non? Ouais, je crois. Je vais passer par-dessus la barrière. Ouais, faut passer par le Vélux. Par le Vélux, ouais, je vais aller en piquer, hein, il va appeler les flics. Hein. C'est pas grave. Tant pis, j'aurai des problèmes avec la police encore. Ça va, le Algemiro? Ça va. Bon, il est prêt pour son émission normalement. Ouais, ça y est, dans 10 minutes même pas. Ouais, moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes. Après la pub. Après la pub, on va faire ça. Il y a quoi au programme ce matin? Ah, bah, comme toujours, des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'étais pas né, moi, 60 ans. Moi, j'étais tout petit. J'étais tout petit. Bah, moi, j'étais pas encore né, moi. Ah, bon? J'étais en 70, alors, 10 ans après, j'arrivais. Bon, de haut programme. Ah, je suis né dans les années 50, tu vois. Ah, bah, ça va, tu les fais pas, hein, t'es 25 ans. Moi, je crois que t'avais 33, 34 ans, moi. Ah, oui. J'aimerais bien. T'aimerais bien revenir en arrière? Ah, bah, oui. Ouais. Mais rien qui aimerait pas, mais moi j'aimerais pas. Ah, moi aussi j'aimerais bien. Bon, ben voilà. Donc, retrouver le boulot, retrouver les copains. Ouais, retrouver les cheveux aussi, j'aimerais bien. Voilà, aussi, voilà. Parce qu'avant on avait des cheveux. Ah, bah oui. Ah, on n'avait plus. Bon, voilà. Ah, oui, jusqu'à faire des permanentes et tout. Voilà, je vais peut-être partir au Portugal pour en mettre des cheveux. Bon, ben l'émission qui démarre dans 10 minutes, mon ami. Oui, voilà. Et ben on t'accueille alors. Et ben merci, et puis bonne journée à toi, et puis à tout de suite. Alors, comment on dit Ana et Maiola, c'est ça? La chanteuse portugaise Ana Maiola. Ana Maiola. Ah bah voilà, I noté en loco là, ça je le dis bien. Excusez-moi pour la prononciation. J'ai toujours du mal avec la transition, hein, mon ami. Hein. Bon bah tout de suite, Algemiro. Allez, à tout de suite. Allez, du son qui arrive. J'adore cette chanteuse de Portugal. Il est avec nous, c'est Monsieur Faria au téléphone. Bonjour Monsieur Faria. Bonjour. Ça va bien? Ça va et toi? Et j'ai toujours du mal à dire le nom de la chanteuse, c'est Ana Maiola, c'est ça? Ana Maiola, oui. Voilà, bah ouais, comme ça tu le dis mieux que moi. Comment il va bien avec la petite Clara ce matin, elle va bien? Ça va. Belle fille. Elle a ton petit dodo là. Ah bah elle fait dodo, voilà. Et après la piscine aujourd'hui, non? Non, hier oui, pas aujourd'hui. Ah aujourd'hui, est-ce qu'il fait moins chaud aujourd'hui? C'est pour ça. Bah aujourd'hui ça va être le sport. Le spa, ah ouais, monsieur, alors un coup c'est la piscine, un coup c'est le spa, monsieur est bien quand même, hein. Bah oui, il faut. Bon, bah j'ai transmis le CD que t'as gagné il y a une semaine quand même à monsieur, hein. Il va te le donner à Algemiro, hein. Ok. Voilà, il est avec moi, il est prêt, il a regardé le CD. Bon, bah je te souhaite une bonne journée, monsieur Faria. Merci, toi aussi. Bah ouais, merci. Bientôt. Et bien bisous à Clara, hein. Ok. Et toute la famille. Okay. Salut mon ami, vous aussi vous pouvez m'appeler à mon 9h02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Et c'est mon pote qui vient à la radio régulièrement, il est sur toutes les grosses radios rock. Voici Alex Le Bail et PHG Miro qui arrive dans 8 minutes. Hier je t'ai croisé dans la rue, ton bras m'a frôlé presque en nu, j'ai senti comme une vague de chaleur, comme si d'un coup j'avais un cœur. Comment mourir à ce désir, se dévoiler un jour notre avenir. I can't explain, but I will find a song again. C'est le 96.2 FM. Le rocker Alex Lebaille, l'Orléanais, qui est sur les plus grosses radios en France. Et puis la première fois c'était chez nous. Algemero, il arrive dans moins de 5 minutes hein, là, direct. Et puis devenez adhérent de la radio, c'est super important. 1, 2, 3, 4. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. C'est pas compliqué, 02 38 43 48 00 pour devenir adhérent. Salut la famille, à demain matin, 7h.